Psaume 107. Célébrez l'Éternel, car il est bon, parce que sa bonté demeure à toujours. Que ceux-là le disent, qui sont les rachetés de l'Éternel, lesquels il a rachetés de la main de l'oppresseur. Et ceux aussi qu'il a ramassés des pays d'Orient et d'Occident, d'Aquilon et de Midi. Ils étaient errants par le désert, en un chemin solitaire, et ils ne trouvaient aucune ville habitée. Ils étaient affamés et altérés, l'âme leur défaillait. Alors ils ont crié vers l'Éternel dans leur détresse, il les a délivrés de leurs angoisses, et les a conduits au droit chemin, pour aller en une ville habitée. Qu'ils célèbrent donc envers l'Éternel sa gratuité, et ses merveilles envers les fils des hommes. Parce qu'il a désaltéré l'âme altérée, et rassasié de ses biens l'âme affamée. Ceux qui demeurent dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, garrottés d'affliction et de fer. Parce qu'ils ont été rebelles aux paroles du Dieu fort, et qu'ils ont rejeté par mépris le conseil du souverain. Et il a humilié leur cœur par le travail, et ils ont été abattus, sans qu'il y eût personne qui les aidât. Alors ils ont crié vers l'Éternel en leur détresse, et il les a délivrés de leurs angoisses. Il les a tirés hors des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il a rompu leurs liens. Qu'ils célèbrent envers l'Éternel sa gratuité, et ses merveilles envers les fils des hommes. Parce qu'il a brisé les portes d'airain, et cassé les barreaux de fer. Les folles qui sont affligées à cause de leurs transgressions, et à cause de leurs iniquités. Leur âme a en horreur toute viande, et ils touchent aux portes de la mort. Alors ils ont crié vers l'Éternel dans leur détresse, et il les a délivrés de leurs angoisses. Il envoie sa parole, et les guérit, et il les délivre de leur tombeau. Qu'ils célèbrent envers l'Éternel sa gratuité, et ses merveilles envers les fils des hommes. Et qu'ils sacrifient des sacrifices d'action de grâce, et qu'ils racontent ses œuvres en chantant de joie. Ceux qui descendent sur la mer dans des navires, faisant commerce parmi les grandes eaux. Qui voient les œuvres de l'Éternel, et ses merveilles dans les lieux profonds. Car il commande, et fait comparaître le vent de tempête, qui élève les vagues de la mer. Ils montent aux cieux, ils descendent aux abîmes, leur âme se fond d'angoisse. Ils branlent les chancelles comme un ivre, et toute leur sagesse leur manque. Alors ils crient vers l'Éternel dans leur détresse, et il les tire hors de leurs angoisses. Il arrête la tourmente, la changeant en calme, et les ondes sont calmes. Puis ils se réjouissent de ce qu'elles sont apaisées, et il les conduit au port qu'ils désiraient. Qu'ils célèbrent envers l'Éternel sa gratuité, et ses merveilles envers les fils des hommes. Et qu'ils l'exaltent dans la congrégation du peuple, et le louent dans l'assemblée des anciens. Il réduit les fleuves en désert, et les sources d'eau en sécheresse. Et la terre fertile en terre salée, à cause de la malice de ceux qui y habitent. Il réduit le désert en des étangs d'eau, et la terre sèche en des sources d'eau. Et il y fait habiter ceux qui étaient affamés, tellement qu'ils y bâtissent des villes habitables. Et sèment les champs, et plantent des vignes qui rendent du fruit tous les ans. Il les bénit, et ils sont fort multipliés, et ils ne laissent point diminuer leur bétail. Puis ils se diminuent, et sont humiliés par l'oppression, le mal et l'ennui. Il répand le mépris sur les principaux, et les fait errer par des lieux hideux, où il n'y a point de chemin. Mais il tire le pauvre hors de l'affliction, et donne les familles comme par troupeau. Les hommes droits voient cela et s'en réjouissent, mais toute iniquité a la bouche fermée. Quiconque est sage, prendra garde à ces choses, afin qu'on considère les bontés de l'Éternel.